Ce sale gobelin m'a encore fait faux bond et m'a abandonné à mon triste sort. Maudit sois-tu, ignoble bête puante! Mais par contre, à bien y penser, je ne devrais pas me mettre en colère, mais plutôt me réjouir. Sinistros n'est pas là pour me casser les pieds et autre chose que la décence m'oblige à ne pas révéler. Donc ce soir, je fête en vous assommant avec du méchant métal. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il est seul, et que pour l'être moins, il prend les moyens de s'entourer de plusieurs personnes, du moins en partie au pluriel. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I, Pendragon, said so. Death Angel.

en ce 14 avril de l'an des 10 grâces 2015. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h, possiblement en compagnie d'Horace. J'ai croisé Gustave tout à l'heure et il se peut qu'il vienne nous faire un petit bonjour, bonsoir plutôt à cette heure-ci, mais il est très polisson, j'en doute. On vient d'entendre quatre formations sous la bannière Trash Metal, qui étaient ceux-ci, Dark Angel avant la pause publicitaire et la pièce Hunger of the Haunted. C'est tiré de Darkness Descends, album qui paraît en 1986 sous étiquette Combat Records. Juste auparavant, nous avions un extrait de cette dernière parution, Blood in Blood Out, soit Exodus et la pièce Wrapped in the Arms of Rage. C'est paru en 2014, bien entendu. Sur Nuclear Blast, Sodom et la pièce Hellfire, tirée de In War and Pieces. Album paru en 2013 sur Steam Hammer. Et nous avions ouvert avec Death Angel, Sound of the Morning. C'est tiré du dernier album paru en 2013, soit The Dream Calls for Blood. Paru sur Nuclear Blast. Quatre excellents albums, quatre excellents groupes. Mais il est un intrus parmi eux. Et vous aurez peut-être deviné, puisque on a des albums de 2013 et 2014, et on en a un de 1986. Effectivement, il s'agit de Dark Angel. Mais la question que je vous pose présentement, à l'instant même, est-ce que Dark Angel, selon vous, n'est pas d'actualité versus les trois autres formations qui sont Death Angel, Sodom et Exodus? Selon moi, la réponse est non, et au contraire, je crois que dans les quatre pièces qu'on a entendues de ce premier bloc de cette édition, en début d'édition de réanimation ce soir, eh bien, je crois que Dark Angel et Hunger of the Undead est probablement la pièce qui a encore le plus d'impact. Vous allez dire que c'est peut-être du chauvisme parce que cet album fait encore partie de mon top, en fait, 10 à 20 minimalement métal de tous les temps. Oui, c'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup, je dirais, d'impartialité dans ce qui me concerne, mais musicalement, il faut avouer que c'est très bien et selon moi, c'est toujours d'actualité. Ce soir, je vous présenterai des extraits de deux nouveautés, soit la... une pièce tirée du troisième album de la formation finlandaise Barren Hearth et aussi deux pièces tirées du premier album d'une formation suédoise qui porte le nom de Apophis. Mais encore, j'aurai une chronique musicale comme pratiquement toutes les semaines et une minuscule chronique cinéma. Comme vous avez pu le constater si vous avez pris le début de l'émission, eh bien malheureusement, non, Sinistros n'est pas avec moi et avec vous ce soir. Et je dois dire que je le regrette effectivement parce que nous avions un plan de match qui était de pouvoir terminer le mois d'avril ensemble. En fait, faut comprendre que Sinistros est parti officiellement il y a plus d'un an de l'émission à titre de collaborateur régulier hebdomadaire pour des engagements d'ordre professionnel parce qu'il ne faisait pas que m'assister dans mes expériences épouvantables. Il fallait qu'il gagne sa vie tout de même, hein, parce que je le payais avec des cacahuètes, puis encore, c'est beaucoup dire. Il n'aura pas pu rester avec nous comme il le voulait, comme je l'aurais souhaité aussi pour le mois d'avril. Je ne peux pas vous dire quand Sinistros reviendra parce que évidemment ses horaires ne concordent plus du tout avec la diffusion de réanimation. Il sera dans une autre ville aussi à compter du début de l'été, donc il est possible que ses apparitions soient très rarissimes, mais seront quand même toujours fort bienvenues. Donc, j'en profite pour le remercier, d'ailleurs, d'avoir contribué à ces dernières émissions, en fait quatre, si je ne m'abuse, ce qui a quand même été bien, je dois dire, et c'est appréciable. Musicalement parlant, j'ai un petit bloc à vous proposer dans quelques instants qui est un peu éclaté, je dois dire, dans le sens que on va y retrouver quelques styles sous la bannière métallique. On va y retrouver du death symphonique, on va y retrouver du death metal, on va y trouver une formation qui donne un amalgame entre le heavy metal, le thrash, le speed, parfois des petites doses de progressifs. Une formation qui est plus dans le black death metal, mais tout de suite, effectivement, c'est avec celle-ci que nous allons débuter ce bloc. On parle de la formation suédoise Necrophobic. Voici la pièce de Necromancer, c'est tiré de Womb of Lilithu, qui est paru en 2013. Voilà. Go! Thank you. fou de choses geek. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 99. Vous êtes geek et vous vous assumez. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante aussi. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, en plus de la chronique sur les jeux rétro de Samuel Girard et d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 13h à 15h, en rappel les jeudis à 17h. Monsieur Tremblay, Madame Dubreuil, si je vous ai convoqué à mon bureau aujourd'hui, c'est parce qu'encore une fois, Mathis, cette semaine, s'est amusé, a pris plaisir à faire des blagues sur la surcharge pondérale de sa camarade de classe, la petite Julie. La petite toutoune, là! Ben oui, la petite toutoune, c'est notre voisine! C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro, tous les lundis, à la Chasse-Galerie. Lundi le 11 avril, c'est la grande finale et le gala mollusque de la Luître. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Fou de fraîcheur. C'est fou, 89.1. Vous êtes à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de 89.1 FM. C'est fou, ça! On vient d'entendre, avant la pause publicitaire, quatre formations, comme je le disais en préambule, avant la diffusion de ce bloc, qui donnait dans des styles légèrement différents. Formation grecque Septic Flesh, la très bonne formation Septic Flesh, qui donne dans un... qui donne dans un symphonic death metal atmosphérique. Et la pièce Lovecraft Death, c'est la pièce d'ouverture de leur septième album, Communion, qui est paru en 2008 sous étiquette Season of Mist. J'adore cet album et je trouve cette pièce d'ouverture parfaite. Juste auparavant, nous avions Nader Sadek, pièce tirée de leur plus récente parution, qui est un mini-album, un EP de quatre pièces de Malefic Chapter 3, qui est paru de façon indépendante en 2014, à la fin de 2014. C'était la pièce, ceux qui sont au courant ou qui connaissent la formation savent qu'il s'agit d'une formation qui donne dans un death metal généralement assez technique et brutal. Là, on a entendu un échantillonnage de ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire du death metal, oui, mais plus planant, si on veut. Cette pièce Descent est une longue pièce à 7 minutes 28. Je vous dirais que c'est une des très... En fait, il est très bon, ce mini-album. Et je pense que celle-là, elle a un petit quelque chose de particulier. Nous avions, juste auparavant, Biomechanical, formation qui vient de l'Angleterre. Une formation qui donne dans un amalgame de choses, de genre, devrais-je dire, métal. On y retrouve une dose de heavy metal traditionnel, de speed metal, de thrash metal. Je dirais pas de death metal, mais de métal tendance progressive. Moi, je trouve que c'est bien. Et étrangement, étant donné que le vocal est assez, entre guillemets, clean ou clair, c'est le genre de choses qui, habituellement, je ne suis pas vraiment porté vers. Mais ici, je trouve que ça fait un très heureux mélange. La pièce étant la pièce titre de cet album, The Empires of the World, c'est paru en 2008 sur Heroics. Il n'y a pas énormément de parutions de Biomechanical. Ils sont toujours existants, mais ils sont pas très productifs. Et on a ouvert avec la formation suédoise Necrophobic, une formation qui donne dans un black and death metal. La pièce tirée de Warm of Lily 2, leur plus récente parution en 2013, soit The Necromancer, ça aussi, c'est une excellente pièce, je dirais, qui... musicalement, je trouve que ça s'écoute excessivement bien et que c'est accrocheur. Voilà, Danny Cromanson, c'est un bon album, Womb of Lily Too, je dois le dire, pour ceux qui aiment le genre, bien entendu. Côté cinéma, je vais le faire tout de suite, parce que de toute façon, j'ai pas énormément de choses à vous parler. J'ai pas attaqué grand-chose de nouveau, que ce soit au niveau une série télévisée ou au cinéma. J'ai écouté quelques trucs, oui, mais j'ai écouté des vieux trucs. Mis à part, j'ai débuté, mais en fait, quand je dis débuté, là, c'est vraiment le terme approprié, la troisième saison de la série Vikings, une formation qui est tirée de History Channel. C'est, quand on dit History Channel, c'est pas nécessairement des documentaires, parce que dans le cas, c'est pas un documentaire. Vikings, comme je l'ai dit, c'est la troisième saison. C'est excellent. Les deux premières saisons sont vraiment très, très bonnes. Ça relate un peu les exploits d'un groupe de Vikings à la fin du 8e siècle jusqu'au milieu du 11e, qui sont menés par Ragnar Lothbrok, l'un des plus populaires héros vikings de tous les temps, qui a régné quelque temps sur le Danemark et la Suède. C'est très, très bien fait au niveau reconstitution, au niveau visuel. C'est très bien joué aussi, de la part de Travis Fimmel, Clive Standen et Catherine Winnick. Se donne dans l'aventure, dans l'action. C'est une série de Michael Hirst. C'est la troisième. Je n'ai que deux épisodes écoutés à la troisième. Je n'ai pas encore chroniqué quoi que ce soit sur le site de réanimation, parce que j'attends d'en avoir au moins la moitié d'écouter avant de me faire une idée, mais je dois dire que déjà je suis vendu, et selon moi la troisième est peut-être celle qui surpasse les deux autres, les deux précédentes. Et je vais me rendre directement à ce que je vous recommande de découvrir ou à revoir, parce que je n'ai absolument rien d'autre de nouveau pour cette semaine au niveau des présentations cinématographiques. Il s'agit d'une autre série télévision qui est parue entre 2008 et 2013, et je crois que Sinistro serait pleinement d'accord avec moi. Une série de J.J. Abrams. Il s'agit de Fringe, qui donne dans la science-fiction, qui met en vedette Anna Torv, Joshua Jackson et John Noble, qui est vraiment excellent dans son rôle de Walter. C'est une série, je dirais, qui prend énormément de développement et d'envol au cours des quatre saisons. C'est très poussé au niveau de la science-fiction. Ben, en fait, on nous amène dans un crescendo jusqu'à nous amener dans les voyages spatio-temporels et ainsi de suite. C'est très bien fait. C'est très intéressant. Il y a une pointe d'humour qui est fort intéressante par ce personnage qui est joué par John Orbol, qui est le père d'une des deux vedettes. La vedette masculine, Joshua Jackson. Il s'agit de Walter, qui est un savant qui a été retiré d'un asile psychiatrique pour mettre à contribution ses compétences pour élucider certains mystères. Il est vraiment complètement cinglé. Mais pas dangereux, là, mais complètement farfelu, cinglé. C'est un mélomane extraordinaire. Il s'est monté, à un certain moment donné, dans un des épisodes, il s'est monté un système de son très, très vintage, mais avec un mur d'enceinte acoustique pour écouter du Yes. Mais vraiment, à tue-tête. Et dans son laboratoire, sa meilleure amie, ben, c'est une vache. C'est très drôle en même temps, mais c'est vraiment bon au niveau de l'esprit science-fiction. C'est très intéressant, Fringe. Je vous le conseille de le découvrir ou de le revoir, parce que c'est genre de... Ben, en fait, je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais il y a beaucoup de séries qu'on écoute, que j'écoute, devrais-je dire, et qui me plaisent beaucoup. J'ai vraiment accroché dessus. Et il y en a tellement qu'on passe à une autre, puis j'ai tendance à me dire, ouais, c'était bon, mais je m'en rappelle plus tant que ça. Donc, de ce fait, les redécouvrir. On parlera musique un peu plus tard. On va aller avec une nouveauté. En fait, c'est un peu inhabituel pour moi de parler de cette formation. Ben, en fait, c'est tellement inhabituel que c'est la première fois que j'en parle. Ce qui est inhabituel, c'est de m'attarder à cette formation, parce que je ne suis pas un grand fan des Finlandais de Baron Hirth, qui donne dans un, je dirais, c'est un death mélodique progressive metal, peut-être à tendance doom, mais ça, là, je suis pas très très certain, mais en fait, pas pour ce que j'en connais. C'est le troisième album qui s'appelle On Lonely Towers. Pourquoi je ne suis pas un grand amateur? Je ne le suis pas encore aujourd'hui, à la lumière de l'écoute de cette dernière parution. Par contre, je suis forcé d'admettre que ce sont de bons musiciens, dans un premier temps, qui amènent une dimension qui est peut-être quelque peu différente de ce qu'on peut entendre dans ce genre, dans ce créneau musical habituellement. C'est correct. Je n'ai pas donné une très note haute à cet album On Lonely Towers de Baron Hirth. Je l'ai donné un 5,5 sur 10, ce qui, dans mes estimations ou cotations, si vous préférez, n'est pas nécessairement très haut. C'est correct, mais ce n'est pas... Je n'ai pas franchi le cap du « je vais l'écouter souvent », pour ainsi dire. Bref, ce que j'en dis, ce que j'aime, ce que font Baron Hirth, la réponse est que ça me laisse généralement indifférent. Et c'est vrai. C'est pas que je déteste, c'est pas que j'aime, ça me laisse indifférent. Mais il faut savoir des fois briser un peu ses habitudes. Et c'est ce que j'ai fait en prenant le... Oui, c'était un guess d'écouter cette forme, ce nouvel album. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses suffisamment intéressantes pour en diffuser. Et c'est ce que je vais faire. J'ai retenu une pièce quand même relativement longue, de 7 minutes 45. Ce qu'il faut savoir de eux, c'est qu'ils existent depuis 2007, et que ce n'est seulement que leur troisième album. Bah, c'est peut-être une formation qui tourne énormément, mais côté studio, c'est encore là, c'est pas très productif. Bref, je vous propose une pièce tirée de ce troisième album. Il s'agit de la pièce Chaos, The Song Within, Baron Hirth. Baron Hirth et la pièce Chaos, The Song Within. C'est la septième pièce de sa dernière parution On Lonely Towers, qui est parue le 24 mars dernier sous étiquette Century Media. Comme je le disais, c'était leur troisième album complet studio. Formation peu productive, compte tenu qu'elle existe tout de même depuis, ma foi, 8 ans, pratiquement. Mais cette pièce, je trouvais que ça valait amplement la peine de la diffuser parce que je la trouve bonne, effectivement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas donné une note extraordinaire à l'album, 5,5 sur 10, mais cela ne fait pas de l'album un mauvais album. Je trouve que c'est correct. Et il se peut qu'avec le temps, je m'y découvre une soudaine, je dirais, peut-être pas passion, là, mais... engouement, un certain engouement. Il y a des choses comme ça en écoutant qui... Il y en a qui en écoutant, puis en écoutant, ça rentre pas, et d'autres, ça fait l'effet inverse. J'espère que vous avez apprécié, parce que moi, oui. Deuxième parution, présentation, devrais-je dire, de la soirée. Il s'agit d'une formation qui vient de Suède, qui donne dans un death metal, je dirais, technique. C'est leur première parution, premier album. Il s'agit de Apophis, premier album studio qui porte le nom de Prime Incursion, qui est signé quand même sur Metal Blade, ce qui signifie que c'est possiblement intéressant pour un major de cet acabit. Moi, Apophis, je lui ai donné quand même une note de 7,5 sur 10. J'ai trouvé ça passablement bon, je dois dire. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans ça qui en ressortait, pour les amateurs de death metal, bien entendu, parce que si vous n'aimez pas le genre, ben, vous y trouverez pas votre compte du tout. Mais c'est fort correct. C'est fort correct. J'en ai suffisamment correct à mon goût pour en avoir retiré deux pièces qui sont respectivement les pièces Miscreants et Chaos the Song Within. Voici Apophis. We will not do this, you die of death.

de sujets divers. C'est fou, 89.1. Vendredi le 17 avril prochain, 21h30, votre café-bar Le Zénobe reçoit en ses murs les prestations de Our Friend and the Spider et celles de l'auteur-compositeur et chanteur de la formation Mimi Van Der Glo, Carl Hébert. Pour une soirée indie rock alternative, soyez avec nous au Zénobe ce vendredi 17 avril, 21h30. 7$ à la porte. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou de folk! C'est fou! 89.1. C'est toujours à réanimation, et ce jusqu'à 21h à mon humble compagnie. Dr. Pain Pendragon, on vient d'entendre la formation des Pays-Bas, Hop Office, et deux extraits de leur première parution Prime Incursion, qui est paru sous étiquette Metal Blade le 1er avril, et c'était tout un beau poisson d'avril. On vient d'entendre Chaos the Song Within. Je me suis trompé. Oui, c'est ça. Chaos the Song Within. J'ai fait une erreur tout à l'heure et non. C'est là que j'ai fait une erreur et une erreur monumentale. Humanity's Epilogue, voilà. Chaos the Song Within, c'était la pièce de Baron Hurt. Et c'était précédé de Miscreants. C'est respectivement la deuxième et la huitième pièce de ce premier album Prime Incursion qui est paru le 1er avril, comme je l'ai dit, sous étiquette Metal Blade. C'est du bon death metal. Il y a quelques extraits dans l'album qui sont beaucoup plus, je dirais, rapides, là, si on veut, plus blast beat en bon français. Mais moi, j'ai trouvé que ces deux pièces-là se présentaient fort bien et qu'ils représentent bien l'intérêt que j'ai eu pour cet album, que je vais sûrement réexplorer encore plus et rediffuser dans les subséquentes épisodes de réanimation, voilà, les épisodes de réanimation. Oui, ça pourrait être quasiment être un téléroman, finalement. Soit dit en passant, la date exacte d'arrêt de réanimation pour cette saison du printemps est le 19 mai prochain. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, le 19 mai prochain sera la dernière émission de réanimation, non pas à vie, mais pour la longue période estivale, aller jusqu'au début de l'automne, parce que C'est fou diffusera en direct, entre autres, les mardis. Je crois que ça a compté de 18h50, les parties de baseball des Aigles, ici de Trois-Rivières. Je vous dis jusqu'au mois de septembre, parce que tout dépendant si cette équipe fait les séries, ça pourrait être extensionné un petit peu, mais bon, ça c'est à suivre, là. Je serai moi-même au courant en temps et lieu. Mais quoi qu'il en soit, ce qui nous donne à compter de ce soir 4 autres émissions, si je ne m'abuse. Donc, il risque fort dans ces prochaines émissions de réentendre Apophis. Je vous incite à rester sur les ondes de C'est fou 89.1 FM parce qu'à 21h, c'est Alex et l'émission Matière Noire qui donne aussi dans le genre métallique, un genre qui parfois peut être très large, vous le savez, donc peut-être à tendance plus progressive, peut-être à tendance plus expérimentale. Alex, c'est beaucoup mieux que moi ce qu'il va vous présenter tout à l'heure. Aussi, ce vendredi, c'est l'émission Rock Classique. Je crois que ce n'est plus une émission qui était présentée, n'est-ce pas? C'est une émission qui existe depuis plus de 18 ans sur les ondes de C'est Fou. Et j'ai le bonheur et le plaisir de la co-animer avec mon bon ami, le Rockmaster Alain Lefebvre. Nous serons présents dès 11h sur les ondes ce vendredi de C'est Fou pour vous diffuser 6h de vrai rock pour les vrais amateurs de vrai rock. Musicalement parlant, la semaine prochaine, je vais vous présenter deux nouveautés. En fait, une qui sortira le 19 mai et une autre qui sortira le 2 juin prochain. Pourquoi je les présente immédiatement? Ben, premièrement, parce que le 2 juin, je serai pas là. Mais le 19 mai, oui, par contre. Mais pourquoi? C'est que j'ai reçu en advance ces promos et je peux diffuser dès maintenant quelques extraits de ces deux formations qui sont respectivement la formation canadienne Xol et l'album qui porte le nom de Extinction Necromancy qui est sous étiquette indépendant, donc indépendant. Je n'ai pas encore chroniqué les albums sur le site de réanimation. Je vais le faire au courant de la semaine. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur le réanimationad.com pour voir ce que j'en pense et découvrir mes petites chroniques au niveau de ces deux albums. Et l'autre album, il s'agit de la formation américaine Skinless, qui donne dans un brutal death metal, et l'album qui porte le nom de... quel était le nom de cet album? Je ne me rappelle plus. Ah oui, Only the Ruthless Remain, que j'ai bien aimé. Donc, des extraits de ces albums que je vous présenterai la semaine prochaine. Et en plus, j'aurai un bloc un petit peu, est-ce que je pourrais le qualifier de... Non, je n'en parle pas plus. Vous le découvrirez la semaine prochaine. Voilà. Côté spectacle... BC High vous propose lundi le 4 mai à 20h au Fofounes Électriques, Misery Index, Lord Dying et Insurrection ou Insurrection comme vous le voulez. C'est à 20h au coût de 15$ et 20$ taxes incluses. Electrostab, Fofounes Électriques, Misery Index. Le jeudi 14 mai, on vous propose Conquerors of the World version 2015 en mettant en vedette Septic Flesh, Moonspell et Death Star. C'est à 20h au Théâtre Corona. Les billets sont en vente à la billetterie du Théâtre Corona au coût de 21,74 et 26,9. Le mercredi 20 mai, au Fofounes Électriques, c'est en Anatra, en compagnie de Insight et groupe invité. C'est à 20h au coût de 10$ et 22$ taxes incluses. Fofounes Électriques, Metal Alliance Tour version 2015, Decide, Entombed Haiti. Aha, Entombed Haiti, ça c'est certainement la première fois qu'ils viennent au Canada. C'est leur premier album, en fait. C'est Entombed, moins un membre, bien sûr. En compagnie également de Hate Eternal, Black Crown Initiate, Lorna Shore et Svart Crown. C'est mardi le 26 mai à 19h au Théâtre Corona. Ça risque d'être bien, ça. Au coût de 32$ et 37$ taxes incluses, disponible les billetteries du Théâtre Corona. Sepultura, Destruction, Arsis, The Last 10 Seconds of Life et Starkill seront le vendredi 29 mai à 19h au Club Soda. Il en coûtera 30 et 43 et 34 et 78 plus taxes pour y assister. Disponible les billetteries du Club Soda. Et le vendredi 5 juin, au Fofounes Électriques, c'est Aborted, Fit for an Autopsy, Arcspire et Dark Sermon. C'est à 18h au coût de 18$ et 22$ taxes incluses. Voilà. Je vous propose un dernier bloc. Un bloc qui sera, ma foi, relativement long puisqu'il dure plus de 26 minutes, mais je ferai une petite incursion à travers cela, dans lesquels on va entendre des formations qui extrapolent, pour ainsi dire, mais qui osent aller probablement au-delà de certaines choses. On va entendre la formation Meshuggah, la formation Stealing Action, formation britannique, américaine, pardon. Mais une formation canadienne, tout de suite, qu'on écoute avec leur dernière parution, Earthborn Evolution, qui est parue sur Season of Mist. Je parle de la formation Beyond Creation, que j'ai trouvé, ma foi, assez intéressante. Je vous propose la longue pièce Fundamental Process. Go! Thank you. La longue pièce de Stealing Action, Skyline, c'est tiré de Irons, qui est paru en 2014, 11 minutes 22 pour cette pièce, ce qui est relativement peu commun dans le métal, mais il faut dire que Stealing Action a une grande tendance à être progressif, donc c'est chose plus courante. Moi, je trouve cette formation très bonne. Cette pièce-là est vraiment excellente aussi. Juste avant, nous avions la formation canadienne. En passant, Stealing Action, c'est américain, made in USA. En ouverture de bloc, nous avions la formation canadienne Beyond Creation et la pièce Fundamental Process. C'est tiré de leur dernière parution, Heartborn Evolution, parue sur Season of Mist en 2014. Donc, je trouve ça vraiment cool, moi, qu'une formation canadienne, québécoise, soit signée sur un major comme Season of Mist. Ça prouve qu'il peut y avoir de bonnes choses qui ressortent d'ici. Je vous l'ai dit, à 21h, c'est Matière Noire en compagnie d'Alex. Il sera là. Il est même déjà là, le maudit fatigant. Là. Voyez-vous, dit un beau petit bonjour, là, en train de taponner sur sa machine d'enfer. Là. Il sera seul ce soir. Ben, je comprends. Il n'y a plus personne qui veut faire rien avec lui. Il est trop tannant. Il est trop tout, ce Alex, hein, finalement. Il dit oui. Oh, il est pas mal tout ça. Donc, à 21h, il va vous entretenir, lui aussi, de la scène métallique, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, moi, je vous présenterai les albums, les nouveautés suivantes, soit Xol et la pièce, et l'album Extinction Necromance et Skinless Only the Ruthless Remains qui seront disponibles respectivement le 19 mai et le 2 juin. Wow, 2 juin, vous êtes en avance, docteur. Bien sûr, j'ai un recul devant rien. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure pourquoi. Il me reste une dernière pièce à vous diffuser, qui est une pièce d'une formation que j'admire énormément et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le métal non conventionnel. Il s'agit de Meshuggah, une pièce qui est tirée d'un album paru en 2002 qui porte le titre de Nothing sous étiquette Nuclear Blast. Et c'est cet album qui m'aura fait découvrir la formation. En fait, je l'ai découvert un petit peu sur le tard parce que quand même, je pense que c'est 3 albums, si je ne m'abuse, avant Nothing. Mais cet album, il est vraiment bon du début à la fin. Pour les amateurs du genre, je me répète, mais évidemment, c'est le cas. Il est vraiment bon. Il a été, si on veut, refait d'une certaine façon. Je pense que c'est en 2007, si je ne m'abuse. Très bon album, très représentatif du meilleur de Meshuggah. Je vous propose et je vous laisse avec cette dernière pièce qui porte le titre de Closed Eyes Usual. Et sur ce, bien entendu, eh bien, allez tous vous faire foutre. À la semaine prochaine. See you. Close eyes, visual delusion.